les nutriments présents dans l'aloe. La plante de l'aloe apparaît qualitativement riche en vitamines et en sels minéraux même si leur quantité absolue résulte assez modeste. Cette condition rend le jus pur d'aloe comparable aux intégrateurs alimentaires, qui contiennent un nombre élevé de minéraux et de vitamines, en proportion équilibrée et optimale pour l'effet régulateur demandé à ces types de produits. Sels minéraux et oligo-éléments. Dans la plante d'aloe on rencontre un nombre élevé d'éléments minéraux, calcium, Ca, magnésium, Mg, potassium, K, et sodium, Na, définis macro-éléments, pour les plus représentés dans l'aloe, mais en trace, on trouve aussi des oligo-éléments, qui développent des fonctions particulières sur l'organisme, le manganèse, Mn, le fer, Fe, le cuivre, Cu, le zinc, Zn, et le chrome, Cr. Les macro-éléments sont non seulement indispensables pour maintenir l'intégrité fonctionnelle d'un être vivant, mais ils doivent aussi être tout présents dans l'organisme dans une proportion précise entre eux. Calcium. C'est le macro-élément plus représenté dans notre organisme, car il constitue environ les 2% de notre poids corporel, surtout comme composant fondamental du tissu osseux. Comme cation, il est présent aussi bien dans le compartiment extracellulaire, que dans celui intracellulaire, où il exerce d'importants rôles biochimiques et physiologiques. Il est modulateur des voies métaboliques en raison du fait que de nombreuses enzymes dépendent du calcium, et de processus biochimiques et physiologiques, comme la coagulation du sang, la contraction musculaire, la fonctionnalité du système nerveux et du cœur. L'aloe en contient une quantité égale aux 5% environ du poids sec de la feuille, magnésium. Directement lié au calcium, cet élément minéral est présent sous forme de cation, bivalent et il est abondant dans les liquides intracellulaires où il agit sur de nombreux systèmes enzymatiques. Ensemble avec le calcium il est présent dans l'os, tissu qui recueille plus des 50% de la quantité totale de magnésium de l'organisme. Il est impliqué dans les processus de transmission nerveuse au niveau synaptique, il a une action tranquillisante et antidépressive. Dans l'aloe, il est quantitativement le quatrième élément minéral, il constitue le 0,8% du poids sec. Les oligo-éléments présents en trace sont ceux moins représentatifs dans les organismes vivants, sur base quantitative, mais ils développent toutefois des fonctions régulatrices et métaboliques importantes. Cependant, il n'existe pas une ligne nette de démarcation entre les éléments présents en trace et les macro-éléments, il est généralement d'usage de désigner, comme oligo-éléments ceux présents dans les tissus en partie par million, ou en concentration encore inférieure. En général, tous les éléments pouvant être trouvés dans l'environnement où un organisme vit, peuvent être utilisés par celui-ci, si bien que parmi les éléments présents en trace, on devrait compter tous ou presque tous les éléments connus. En réalité, on retient comme significative uniquement la présence de ceux qui exercent des fonctions, d'autre part pas toujours connues, mais nécessaires pour le maintien de la vie, ou au moins du bien-être de l'organisme. Dans la majeure partie des cas, ils exercent des fonctions catalytiques par l'intermédiaire de l'association avec des molécules protéiques. Les éléments présents en trace, qui sont des composants essentiels de systèmes enzymatiques, sont généralement localisés dans une seule aire du système périodique des éléments, car ils appartiennent surtout à la première série des éléments de transition, Cr, Mn, Fe, comme Pagni, Cu, Zn. Parmi eux, de nombreux agissent en fonction de leur capacité à former des complexes, contribuant à conférer une conformation spécifique aux protéines enzymatiques qui les contiennent. À la suite, on donnera, de façon sommaire, une description des propriétés chimiques, et des rôles biologiques fondamentaux des oligo-éléments connus, et en particulier de ceux présents dans la plante d'aloe. Fer. Le fer est improprement considéré un oligo-élément, cela parce que notre organisme en possède 5 grammes, un pourcentage non négligeable. L'importance du fer dans les organismes animaux est connue depuis longtemps, cet élément est impliqué dans les processus de respiration externe, et de respiration cellulaire car il fait partie, respectivement, du groupe prostatique de l'hémoglobine et des cytochromes. Le fer présent dans la diète, est absorbé surtout au niveau intestinal, en particulier dans le duodénum, bien que presque toutes les parties du canal digestif, soient capables d'absorber le métal. À ce propos, la forme ferreuse est préférée à la forme ferrique et l'acide ascorbique, qui possède la capacité de réduire l'ion ferrique à ferreux, porte à une amélioration de l'absorption de ce métal. Des facteurs diététiques variés, comme les phosphates ou les phytates, capables de complexer le fer, sont capables aussi de provoquer une diminution de son absorption. Le carence en fer détermine une altération du processus érythropoïétique, et l'apparition d'un état d'anémie. Cuivre. Le cuivre est un élément essentiel pour le bien-être des organismes. L'organe qui contient le cuivre en concentration majeure est le foie, 6,6 pg par g de tissu, suivi du cerveau, 5,4 pg g de tissu, alors que la quantité moyenne de cuivre contenue dans les tissus de l'organisme des vertébrés, se situe autour des 1,5, 2,5 pg g de tissu maigre. À l'intérieur du corps humain, il y aurait 80 mg de cuivre, alors que le cuivre plasmatique oscillerait entre les 50 et les 80 pg, 100 ml. À l'intérieur des cellules hépatiques, cet élément est surtout présent dans le cytoplasme. Le cuivre est nécessaire pour une juste érythropoïèse, probablement parce qu'il est demandé pour la libération de fer des tissus, il est en outre nécessaire pour la maturation du tissu connectif. Le cuivre existe en deux états ioniques principaux, cuivreux et cuivrique, ce qui entraîne la possibilité de former des complexes de structures assez différentes. L'ion cuivrique, comme tel, exerce des fonctions catalyseuses dans les oxydations, toutefois, quand il est lié à des protéines, son activité catalytique peut être énormément augmentée. Toutes les métalloenzymes contenant le cuivre sont généralement employées pour la catalyse d'oxydoréduction dans lesquelles l'oxygène sert d'accepteur d'électrons. La carence en cuivre empêche la fixation du calcium et du phosphate dans le tissu osseux. En outre, l'insuffisance de cuivre détermine une inhibition de la catalyse qui, en conditions normales, empêche une accumulation d'eau oxygénée dans les tissus avec consécutive auto-intoxication. Selon certains auteurs, une diminution de l'activité de la catalyse pourrait même être à l'origine d'états cancéreux. Zinc. Il est présent dans notre organisme dans une quantité de 2-3 grammes et il est contenu surtout dans le foie et dans le pancréas. Il est indispensable pour la fonctionnalité de différentes enzymes pour lesquelles il est cofacteur. Il a un rôle très important dans la nutrition, les hydrates de carbone et les protéines des aliments sont absorbés en quantité majeure ou mineure selon la présence plus ou moins importante de zinc. Manganèse. Il est présent dans notre organisme surtout dans les os, le foie et le pancréas. Il est indispensable pour la croissance et le tonus musculaire, pour la vitalité de l'individu et pour la fonctionnalité de nombreuses enzymes, surtout celles impliquées dans les oxydations cellulaires. Il est un précieux facteur du système immunologique, et sa carence augmente le risque d'agression de la part de bactéries et virus. Chrome. Les animaux contiennent généralement une quantité très faible de cet élément, qui se situe autour de 0,1 ppm. Le chrome est faiblement absorbé par l'intestin, seulement le 0,5-3% environ du chrome de la diète, peut en effet être utilisé par l'organisme. Il est éliminé par les urinées, en partie, également par les selles. Dans le plasma, le chrome est transporté par la transférine, de façon analogue au fer, avec lequel il rivalise. Par contre, le chrome hexaval est surtout utilisé par les érythrocytes. La fonction biochimique principale du chrome semble être liée à l'insuline et au transport de métabolites cellulaires à travers les membranes cytoplasmatiques des cellules. L'insuline demande en effet la présence de chrome pour exercer ses effets maximaux. Toutefois, en absence d'insuline, le chrome n'exerce aucun effet analogue à l'insuline. Il entre en outre en association avec les acides nucléiques. Cobalt. Cet oligo-élément est présent en quantité très réduite chez l'homme, 20 mg environ, et se concentre surtout dans la rate, le pancréas et le foie. Sa carence provoque une diminution du contenu d'hémoglobine dans le sang. Il entre à faire partie de la structure de la vitamine B12, qui agit sur l'érythropoïèse, et il permet également de régulariser le métabolisme des protéines et des hydrates de carbone. Magnésium. De par ses propriétés et sa nature chimique, il est lié au manganèse, mais ses fonctions sont diverses. On le trouve principalement dans le foie et dans les tissus musculaires. Il est important pour l'allaitement et pour le développement des nouveau-nés. Une significative carence en magnésium peut causer un syndrome de malabsorption, irritabilité excessive, dilatation des vaisseaux et convulsions. Il est en rapport direct avec le calcium et le potassium dans la régulation du métabolisme humain. Les vitamines. Ce sont des molécules nécessaires pour le développement de certaines activités biologiques dans les organismes vivants, comme certains acides gras et plusieurs aminoacides, elles sont des nutriments essentiels, elles ne sont pas synthétisables par les systèmes cellulaires, ou le sont en mesure insuffisante à travers des voies métaboliques normales, dans les organismes supérieurs, elles doivent être prises avec les aliments. Ou comme telles, ou sous forme de provitamines. La presque totalité des vitamines est obtenue des animaux directement ou indirectement des végétaux qui sont en mesure de les synthétiser. Ces molécules exercent une fonction régulatrice du métabolisme cellulaire mais aussi d'autres fonctions. Le groupe des vitamines hydrosolubles va constituer, dans la cellule, différentes formes coenzymatiques indispensables pour l'activité de nombreuses enzymes, alors que celles des phénylliposolubles exercent d'autres types d'actions. Toujours de nature régulatrice, certaines d'entre elles ont une activité hormonale, la vitamine D. Et précurseur d'une molécule à action hormonale. La disponibilité en nutriments de nature vitaminique garantit un état de santé optimal, la carence, au contraire, due à des causes alimentaires ou également à des altérations de certaines fonctions de l'organisme, provoque des états pathologiques particuliers et spécifiques qui, dans les cas plus graves de malnutrition vitaminique, peut mener à la mort. D'autre part, alors qu'une prise excessive de facteurs vitaminiques hydrosolubles suite à des traitements pharmacologiques erronés, n'entraîne pas de conséquences négatives pour la santé. Une prise excessive de vitamines liposolubles, telles que la vitamine A et D, donne lieu à des phénomènes de toxicité d'accumulation. Pour cette raison, il convient, du point de vue nutritionnel, que l'apport vitaminique soit assuré par une alimentation appropriée, en utilisant des aliments présentant un contenu équilibré des différents facteurs vitaminiques. La plante officinale d'aloe arborescent, comme d'ailleurs de nombreuses autres espèces végétales, présente un assez bon contenu de vitamines, appréciable aussi bien du point de vue qualitatif que quantitatif. Dans la liste qui suit, on a reporté les vitamines les plus représentatives pour cette plante, ensemble à une brève citation de l'activité biologique de chacune d'elles. Vitamine hydrosoluble, vitamine B1 ou thiamine. Elle constitue dans l'organisme une importante forme coenzymatique d'enzyme impliquée dans le métabolisme énergétique cellulaire. Elle est indispensable dans les processus de croissance des tissus corporels et dans la fonctionnalité du système nerveux. Sa carence détermine de sévères névrites, œdèmes et anémies. Vitamine B2 ou riboflavine. Elle participe à des processus de respiration cellulaire et de fourniture énergétique pour l'organisme. Sa carence peut provoquer des dermatites et des altérations hématologiques. Vitamine B3 ou niacine. Elle régularise le métabolisme énergétique, participe au processus d'utilisation du glucose. Sa carence conduit aux spécifiques états pathologiques indiqués par le terme pellagre. Vitamine B6 ou pyridoxine. Elle sert à constituer la coenzyme de toutes les activités enzymatiques, qui sont préposées à l'utilisation des aminoacides. Elle règle la fonction du système nerveux, et contribue au maintien de la fonction de la peau. Vitamine C ou acide ascorbique. Probablement la vitamine la plus connue. À dose élevée et continue, elle exerce une action préventive pour différentes pathologies, en partant du rhume jusqu'aux infections provoquées par des micro-organismes. Elle constitue le traitement le plus connu, et le plus utilisé dans le monde entier pour lutter contre la grippe. Cette vitamine qui présente une remarquable activité antioxydante et anti-radicaux libres, constitue un efficace agent protecteur pour l'organisme, favorisant la croissance des tissus, la guérison des plaies, la synthèse des polysaccharides, et la formation du collagène. Elle préserve la fonctionnalité des muqueuses, et est essentielle pour la formation des os et des dents. Sa carence provoque le scorbut. Choline. Composé organique classé parfois comme vitamine du groupe B, en réalité, on ne peut pas le considérer comme tel du fait qu'il peut être synthétisé dans l'organisme. Il exerce lui aussi des rôles particuliers, il est le précurseur de l'acétylcholine, un neurotransmetteur et exerce des fonctions impliquées dans les mécanismes de mobilisation et de transport des lipides corporels. Sa carence provoque l'infiltration de graisse dans le foie. Acide folique. Cette vitamine est présente dans les feuilles de tous les végétaux verts, chez l'homme, elle est bien représentée dans le foie et dans le rein. Sous forme coenzymatique, elle participe à de nombreuses réactions, qui implique des mutilations de différentes molécules indispensables à l'organisme, comme le thymide composant du DHA. Ensemble à la vitamine B12, elle est indiquée comme vitamine anti-anémique, sa carence donne origine à l'anémie mégaloblastique. Vitamine liposoluble. Vitamine A ou rétinol. Dans les végétaux, ce facteur vitaminique n'est pas présent, mais différents précurseurs de celui-ci sont quantitativement bien représentés, en particulier le carotène. Ce facteur vitaminique intervient dans de nombreux processus métaboliques cellulaires, il est impliqué dans le mécanisme de la synthèse des mucopolysaccharides, dans le processus de synthèse protéique cellulaire, en particulier des mitochondries et des lysosomes. Il exerce une fonction spécifique dans le mécanisme biochimique de la vision, en effet, il exerce un rôle fondamental dans la perception de la lumière au moyen des bâtonnets. La carence en vitamine A provoque chez l'homme cécité nocturne sèche, descamation de la peau et réceptivité augmentée aux infections. Vitamine E ou tocophérol. Cette vitamine qui se présente dans la forme chimique, et tocophérol représente, ensemble à la vitamine A et C, un puissant antioxydant qui protège les lipides de membrane de processus d'oxydation provoqués par des radicaux libres, et par les soi-disant espèces réactives de l'oxygène, comme l'eau oxygénée qui se forme en diverses réactions de l'organisme. Elle est en rapport avec la santé de la peau, la croissance des tissus, spécialement des tissus qui demandent la plus grande efficience des acides gras, d'organes comme le foie, les reins, l'intestin et les génitaux. Elle favorise la production salutaire de la moelle osseuse et du tissu sain. Son absence peut causer des problèmes de peau, anémie et déformation osseuse. En dose élevée, elle aide à éliminer les infections. En usage topique et interne, elle soigne les patients atteints de brûlures. Divers résultats expérimentaux démontrent l'efficience de cette vitamine contre des agents cancérogènes présents dans le goudron de cigarettes et dans des gaz toxiques. Depuis fort longtemps, son efficacité est prise en considération pour les cas d'insuffisance respiratoire, pneumonie et asthme. Elle se trouve en bonne quantité dans le gel de la feuille d'aloe. Protéines. Le contenu en protéines de l'aloe est, en termes relatifs, semblable à celui d'autres végétaux, car il représente les 7% environ du poids sec, en termes absolus. Toutefois, si on considère que la feuille d'aloe est constituée d'environ 96, 97% d'eau, la quantité de protéines n'est pas élevée. Cependant, le composant protéique de l'aloe est important pour deux raisons. A. La présence dans les structures cellulaires de la feuille d'enzymes particulières, qui exercent des fonctions spécifiques, et sont impliquées dans des aspects thérapeutiques, ou qui favorisent certaines actions dans le domaine de la digestion de principes alimentaires. B. Les différentes protéines présentes dans l'aloe fournissent, après leur digestion, une contribution à la fourniture d'aminoacides, même si limitée sur le plan quantitatif. Enzymes. Les enzymes sont des molécules de nature protéique, qui rendent possible le développement de toutes les fonctions vitales dans la cellule, en augmentant la vitesse des réactions, qui caractérisent le métabolisme cellulaire. En leur présence, toutes les réactions biochimiques surviennent en un temps réel et compatible avec la vie. Parmi les différentes enzymes, qui entrent à faire partie du pool enzymatique de l'aloe, les plus significatives du point de vue phytothérapique sont les suivantes. Bradykinase. C'est une enzyme de nature protéolytique qui, de manière spécifique, catalyse la dégradation de la molécule du peptide bradykinine. Ce peptide est capable de stimuler la réponse inflammatoire, qui entre en jeu chaque fois qu'une réaction allergique se déclenche dans notre organisme, comme réponse à un agent allergénique, qui entre dans l'organisme, par exemple en cas de blessure. La bradykinine est responsable de la douleur et de la tuméfaction post-traumatique du tissu. L'enzyme bradykinase contenue dans l'aloe, outre à stimuler le système immunitaire avec l'activation locale de macrophages, exerce une action analgésique, anti-inflammatoire et cicatrisante, en dégradant la bradykinine. Catalase. L'enzyme est chargée de la dégradation d'eau oxygénée, qui se forme dans certaines réactions métaboliques, et qui a un effet cellulaire toxique, déclenchant des réactions qui produisent des radicaux libres. Dans l'usage topique de l'aloe, la catalyse, en produisant de l'oxygène qui naît de la dégradation d'eau oxygénée, peut exercer une action détergente pour les ustions et les ulcérations, favorisant la cicatrisation, et entraînant la production de fibroblastes. D'autres enzymes présentes dans l'aloe pouvant être citées ici sont l'amylase, la cellulase, la lipase, la carboxypeptidase et autres protéases. Ces enzymes peuvent constituer une aide dans les processus digestifs en contribuant à la dégradation des principes alimentaires ingérés avec la nourriture. Aminoacides. Ces molécules constituent les unités de base des protéines, on en connaît 20 types. Du point de vue nutritionnel, certains d'entre eux sont plus importants, et sont appelés essentiels car ils ne sont pas produits par notre organisme, et pour les procurer à ce dernier, nous dépendons de l'apport externe offert par les aliments. Si on en parle ici, c'est parce que la quantité de protéines présentes dans l'aloe, contribue à fournir à notre organisme des aminoacides dont il a besoin, ceux essentiels en particulier. Il faut noter toutefois que la proportion absolue en protéines est très basse. Si on est en cure avec des médicaments prescrits par notre médecin, ou si on doit se soumettre à des traitements de radiothérapie, cobaltothérapie, chimiothérapie ou autres traitements analogues, cela n'empêche pas, qu'en même temps, on puisse suivre le traitement avec la préparation d'aloès. Au contraire, je dirais même que l'aloès purifie l'organisme en éliminant les toxines et les effets collatéraux que ces types de cures produisent.